Appelle Mike Negro. Représente comme ça. Ouais. Pour la ville de Saint-Denis, y'a quoi? Pour tous les mecs de la plaine. Yo. Pour tous les chiens de la casse. Y'a quoi? Yo. Yo, on représente les mecs de rue. Yo, toi-même tu sais. Écoute ça. Pour tous les gosses de rue. Ouais. Dans les quartiers, dans les cités, y'a trop de gens qui galèrent en attendant dans la souffrance. Propre assistance, non-assistance à personne en danger. Moi, je suis étranger, fier de marcher avec des noirs et des robes en poulet. Y'a pas de promesse d'embauche, fauché. On tourne à droite, à gauche et fauche dans la feuille, ton portable, même ton bolide. Sans les bouches, on prend la tire, la route est fluide. Rien à foutre, même si ça tire, faut prendre du liquide. Beaucoup n'ont plus le courage dans mon entourage. Combien de gosses passent la journée avec le ventre vide? J'ai choisi mon camp, sachant que des politiciens dépendent des millions de francs. Franchement, si c'est nous qui devons mourir avec le ventre vide, venez par tous les moyens pour prendre du liquide. Ouais, haha, on fera du cash. Fils de pute, fils de pute, fils de pute, il faut que tu saches. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Dieu merci, j'ai 22 piges, je suis un noir encore en vie. Est-ce que tu piges? Ici c'est pas les États-Unis. Ici aussi trop de gens distinguent encore les couleurs de peau par manque de peau. Des balles se perdent entre individus de la même race à cause de la caillasse. Nos jours l'amitié c'est pas sa base de coups de crasse. Dans mon check-up, y'en a qui n'hésitent plus à tirer pour une pétasse ou encore une grosse liasse. Juste histoire de dire, mise à l'amende, reste à ta place. À Saint-Denis, on parle de délinquance normale, besoin de sous. Chez nous c'est la vie sous tension. Le but trop près c'est de ne pas pourrir en zonzon. Ça me rend zinzin de voir que l'État est pire qu'une putain de vendetta. Comme un vampire qui suce le sang, il nous sucera. Toute notre vie, il faut qu'on bouge nos fions. Faire de la maille, tout en faisant attention. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Les keufs passent, les keufs repassent, les keufs nous cassent les couilles. Personne ne mouille, normal chez nous on a l'habitude. À longueur de journée dans mon quartier, que des embrouilles. Sur le bitume, des mecs révoltés, on regarde de travers. Des fachos, des commerces qui veulent stopper le commerce. Des jeunes qui percent, qui roulent en BMW. C'est pas de ma faute si les gosses de chez moi face au Condé balancent des spadés, ils ont la haine, beaucoup se fâchent. Votant pour le FN, ils ont du mal à accomplir leurs tâches. Mort aux vaches, les fils de lâche lâchent leurs clefs en 4-4-2. Tout le monde s'éclipse, chez nous ils ont la haine. Ils n'arrivent pas à serrer de scarleux. Ils font des crises d'épilepsie. On aurait dit que pour manger ils veulent qu'on sorte les Uzi. Nique la vie, comme aux États-Unis, l'État nous envie. Et ça tu le sais gars. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Saint-Denis n'est pas la ville que tu penses. Faucher les gens sont prisonniers de la délinquance. Tous les jours je l'écris pour que toi tu penses. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Ouais ouais yeah, yeah. Toi même tu sais hein. Ici municipaux et politiques c'est pour la panse. Faut que tu penses. Par conséquence on représente la délinquance. Yeah yeah yeah. À 999 affaire au mic négo. Y'a quoi? Ha ha ha ha. Yeah. Vie de chien. Ouais.